Les agences de presse russes, japonaises et iraniennes, TASS, Gyodo et ILNA, ont traité les 10 et 11 juin la lettre verte adressée aux États-Unis par les participants à la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de la République populaire démocratique de Corée.